Gilles Dussouchet, bonjour. Bonjour. À lire votre reportage publié dans le magazine Géo, les Gascons seraient de beaux parleurs et de bons vivants. Est-ce que ce n'est pas entretenir là un cliché ? Alors écoutez, on peut y voir une caricature, mais je crois que les Gascons n'ont pas forcé leur nature pour entrer dans ce stéréotype. Contrairement aux Basques, leurs voisins, la langue gasconne n'est pas le vecteur principal de cette identité-là, bien évidemment. Ça s'entend, ça se perçoit au niveau des comportements, de la sociabilité et de certaines coutumes qui sont vraiment spécifiques au sud-ouest. Je ne connaissais pas, à Montcrabeau, il existe une académie des menteurs et qui élit chaque été son nouveau roi. Oui, c'est un petit village du sud du Lot-et-Garonne qui, depuis plusieurs années, a repris une tradition très ancienne où ils vont élire une personne qui va raconter une histoire qui s'éloigne de la réalité, qui la travestit et qui la raconte avec talent. Mais ça fait partie de cette faconde gasconne qui est réelle, qui prête aux Gascons ses traits légendaires. Hein. C'est quelqu'un qui, devant l'adversité, va faire face avec son verbe, avec sa vantardise aussi. Et donc, ils vont cultiver ça. Et puis, c'est une façon aussi de célébrer la langue, qu'elle soit la langue gasconne ou qu'elle soit la langue française. Les Gascons vivent sur une terre d'abondance. Alors, rien d'étonnant aussi qu'ils fassent bombance. Les plaisirs de la table, ça fait partie de la vie sociale là-bas. Oui, absolument. On peut dire même que tout fait ventre là-bas. Mais je crois que ça tient à la particularité de ces régions qui n'ont pas connu la première révolution industrielle et qui ont gardé des liens sociaux hérités des anciennes campagnes. Et c'est vrai que ces repas, ces banquets sont l'occasion d'entretenir la convivialité locale et font réellement partie de la vie sociale de ces régions-là.